Bonsoir. T'en passes des choses en un mois depuis que l'on s'est vu, depuis la dernière fois. Les icônes ne soignent plus, ce sont les érables qui coulent maintenant. C'est signe que le printemps est arrivé. Donc, l'atmosphère est au printemps, c'est donc un peu plus le fun. L'atmosphère est plus légère, malgré que Reagan et Gorbatchev continuent à jouer au poker nucléaire. Ça sent déjà l'été, les vacances. Duvalier, lui, joue à la pétanque sur la Côte d'Azur. Marcos, il fait du surf sur les plages de Honolulu. Comme quoi, on peut être déchu sans être trop déçu. Après la semaine sointe, sointe qui peut, on a maintenant la semaine planétaire pour l'accueil des extraterrestres. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est fun. Il y en a qui se préparent. Ils se préparent à les accueillir. Nous autres, ça fait des années qu'on les rencontre. Alors accueillons une fois de plus, pour entendre ce qu'il a à nous dire, Monsieur Bernard de Montréal. Est-ce que vous m'entendez bien au fond? Oui, tant pis pour vous. Comment allez-vous, Bernard? Très bien, merci. J'ai fêté mes 84 ans la semaine passée. Que voulez-vous, quand on a brûlé la vie par les deux bouts, c'est comme ça. Dans un petit restaurant qui a pour nom Da Vinci, de Vinci. Et dans ce restaurant-là, j'étais en face du vivier, une espèce d'aquarium, il y avait des homards. Puis je regardais ces pauvres petites bêtes-là qui souffraient beaucoup du fait d'avoir les pinces fermées par des gros élastiques. Imaginez un peu la frustration, même plus capable de serrer la pince entre amis. Puis nous autres, on est comme ça aussi, de temps en temps dans la vie, là, on est bloqué au niveau de l'action. On vit un peu ce que vivent les homards de Vinci. Alors ça, pour toutes sortes de raisons qui peuvent être intérieures ou extérieures au niveau de ces inhibitions. Donc il faudrait peut-être commencer par identifier les inhibitions qui sont extérieures et intérieures. Et également identifier l'action. C'est quoi de l'action? Est-ce que c'est d'abord une conclusion à nos expériences? Est-ce que c'est fondé sur une croyance, sur un savoir accumulé, autrement dit fondé sur le passé ou sur l'avenir? Autrement dit, quand est-ce que la vie cesse d'être la vie et devient notre vie? Ça, c'est la question. C'en est une. Vous pouvez préciser un peu? Je cherche à vous faire identifier les inhibitions de l'action, si elles sont extérieures ou intérieures. Pourquoi est-ce qu'une personne, lorsqu'elle a le goût d'agir, se trouve bloquée pour des raisons telles que ça va lui dire c'est pas le temps, ou elle va remettre ça au lendemain, ou c'est trop tard, par exemple? Bon. Est-ce que c'est une condition absolue à l'homme, ou est-ce qu'il y a possibilité de dépasser cette inhibition? L'inhibition vis-à-vis l'action chez l'être humain, elle est fondamentalement reliée à son système psychologique. Quand je parle du système psychologique humain, je parle de la nature émotive et mentale de l'homme. L'homme, à cause de son insécurité. Et le terme insécurité, c'est un terme extrêmement important parce que il recouvre énormément d'aspects de la conscience humaine. L'homme ne réalise pas tellement qu'il est insécure parce que il s'est créé au cours de son évolution des mécanismes psychologiques qui lui permettent d'avoir l'impression d'une sécurité quelconque dans la vie.